Guevara, tu es de nos amis. Guevara, au bout de ton fusil. Guevara, tu aurais tout détruit. Guevara, le monde n'est pas. Qui nous...